et Charline. Bon, aujourd'hui, on ne reçoit pas n'importe qui. Alors, parce que d'habitude, on reçoit n'importe qui. Non, alors aujourd'hui, on reçoit Philippe Bouvard. Attends, il s'y connaît en radio, Philippe Bouvard? C'est pour rire. Bah non. Bah attends, le type a été à la tête de la plus grosse émission de radio de France pendant 35 ans. Les grosses têtes, ça te dit rien? Ah bah désolé, moi j'ai une famille de gauche, on écoutait que France Inter. Ah, c'est très bien, mon petit Guillaume. En tout cas, comme il est là, faudra lui demander des trucs pour cartonner à 17h. Ah bah oui, il faut en profiter. Attendez, je vous rappelle qu'on cartonne déjà à 17h. On est presque devant tout le monde. Oui, enfin presque devant. Presque. Qui est le seul devant nous? Rue Bayard. Oui, avec quelle émission? Les grosses têtes, c'est ça. Je sais. Oui, mais Philippe Bouvard, il y est plus. Alors ça va peut-être l'amuser de nous donner des filons. Eh oui. Il va faire l'agent infiltré. Oh, c'est bon, ça. Voilà. C'est bon. Et comme ça, nous, dans 35 ans, on est devant les grosses têtes de Laurent Ruquier. Et à ce moment-là, Laurent Ruquier, il aura 85 ans. Voilà, là, joue RTL, on fout les gens dehors pour prendre des plus jeunes. Et donc, Ruquier pourrait être remplacé par Olivier Mazerolle, qui n'aurait alors que 107 ans. Et qui nous inviterait pour savoir comment on fait pour battre, si tu écoutes, sur France Inter. Arrêtez, parce qu'on n'est pas les grosses têtes, c'est très bien comme ça. Mais on est presque un petit peu. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? Regarde Guillaume par exemple, il y a quelque chose de sim. Non. Et toi, Charline, par exemple, quand tu parles, on pense un peu à Isabelle Mergault. Ouais, c'est vrai. Et toi, la verve de Jacques Martin, j'imagine. Oui, ou alors la culture de Jean Dutour. J'hésite. Alors, moi, j'ai une question pour les filles. D'un point de vue du sexapile, Alex, il vous fait penser à quelle grosse tête? Guy Montagnier. C'est une bonne réponse collégiale féminine de deux paires de loches. Bonjour la RTL Inter. Bonjour la France entière. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui met des protéines de blagues dans l'actualité. Et voici les trois informations qui seront génétiquement modifiées jusqu'à 18h. Un rapport propose d'indiquer une date de péremption sur les hommes politiques. Au-delà de 70 ans, c'est trop tard pour se présenter à une élection, ce qui exclurait celui que la France attend, Alain Juppé. Il faut peut-être mieux un sexe en forme qu'un quinca amorti. Aujourd'hui, trois mots sur Twitter peuvent déclencher une avalanche d'articles, surtout quand ces mots sont signés de ces trois lettres DSK. Excusez la tenue, je sors de la douche. Oui. Neil Young est de retour et dans son dernier album, il s'en prend à Monsanto. En France, Renaud annonce aussi son retour, mais nous avons une longue tradition de chanteurs engagés en France. Vous, ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Et pour manipuler les éprouvettes et mesurer la dose de vanne, je suis accompagnée d'Alex Vizorek. Mais bonjour Charline Vanhoenacker, et autour de la table, vu l'invité, il fallait une équipe de choix. Et à 17h20, c'est celle qui est capable d'expliquer extrêmement clairement comment fonctionne la combustion des déchets fossiles, mais qui peut aussi nous expliquer de manière extrêmement compliqué le principe de l'eau chaude. Bonjour Nicole Ferroni, Bonjour, on va parler Monsieur Vizorek, nous parlerons bien sûr des conséquences physiques dramatiques que provoquera bien sûr l'interruption de cette émission durant l'été. C'est une bonne idée. Et à 17h30, celui qui tous les jours prend le pouls de la France, sauf que le vrai problème c'est qu'il est beaucoup plus malade qu'elle. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je suis allé à la rencontre aujourd'hui de Vincent Tiberghien. Il est le patron d'une école, une école qui enseigne quoi? On est vraiment là pour apprendre les béaba de l'allumage jusqu'à la gestion de la braise ou du feu pour les barbecues à gaz. Voilà, une école de barbecue. Une école de barbecue, oui. Ça s'annonce bien. Et à 17h40, alors elle, j'ai essayé par de nombreux moyens de devenir aussi cultivé qu'elle. Et ce fut un terrible échec. Alors dans ce constat, je lui ai proposé l'échange de fluide comme méthode. Mais en bonne Ayrton Senna de la séduction, j'ai encore une fois pris le mur. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? Jack is back a tweeté DSK. Exact. Donc focus sur les Jack en littérature. Nous sommes sur les réseaux asociaux comme Facebook, car on kiffe quand vous likez, mais surtout chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Gaston Doumergue. Vous créez les Grosses Têtes en 77 quand Jacques Chirac est élu maire de Paris. Vous lancez le Petit Théâtre de Bouvard en 82. C'est une année marquée du sceau de l'efficacité et de l'innovation, puisque c'est l'année de création du CSA. Qu'on embrasse. Non, je vais boire une petite gorgée de tariquet de vin avant, parce que là, attendez. On n'entend pas, quand je dis CSA, ça gratte. Alors un petit peu de vin, ça va mieux. Vous devenez propriétaire et directeur de Bobino en 90 quand les Simpsons arrivent sur Canal+. Et donc vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer de votre voix que la France entière connaît. Vous êtes Philippe Bouvard. Bonne réponse de l'amiral. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Philippe Bouvard est avec nous jusqu'à 18h. Ça fait un moment que vous êtes venu à France Inter ou pas, Philippe Bouvard ? Écoutez, je suis revenu à mes sources puisque voici un certain temps, j'ose pas vous dire qu'on... Oh, puis je vous le dis quand même. On peut tout dire ici. Un peu plus de 60 ans, je commençais ici à faire de la radio. Oh, modestement, il s'agissait d'enregistrer des émissions à destination de l'outre-mer. Ah ! Voilà. Et puis, je suis passé de l'outre-mer à la rue Bayard assez rapidement. Vous avez commencé par vous adresser aux colonies, en fait. C'est vrai. Oui. Je sais que ça jette toujours un froid en France, on rigole pas avec ça. J'adore ça. On fait pas Tintin au Congo, tout ça. On fait pas Tintin en Algérie, vous parlez. Oui, voilà. Alors, Philippe Bouvard, vous publiez Gaston et Gontran chez Flammarion. Gaston travaille au Petit Farci. Il est serveur à un resto sur la Côte d'Azur. Mais surtout, il s'appelle Gaston. Et vous expliquez, c'est un prénom qui le détermine finalement. Un prénom banal et peu valorisant. Parce qu'il y a, vous dites qu'il n'y a pas de Gaston célèbre. Et pourtant, donc, vous êtes né sous Gaston Doumergue. Oui, ça, c'est vrai. Alors, en fait, si vous voulez, je fais faire à mon personnage. Et là, je voudrais remarquer que c'est une œuvre d'imagination. Et l'imagination n'est pas la qualité qu'on exige le plus des journalistes. Hein. Donc j'avais des réserves. Je suis la folle du logis. La folle du logis, elle me commande de tracer le portrait de personnages qui ne me ressemblent pas, afin, pour une fois, de rompre aussi avec l'autobiographie dont j'ai usé et abusé. Et surtout que, avant d'écrire ces mémoires, il faut généralement vivre un an ou deux. Sauf quand on est une jeune chanteuse et qu'on peut publier à 18 ans et se souvenir de toute une vie. Donc, mon personnage, il ne me ressemble en rien du tout, sinon que, comme beaucoup d'entre nous, il souffre ou il bénéficie, je vous laisse le choix, d'une espèce de schizophrénie douce qui s'établit entre ce qu'on peut appeler la vie vécue, nous en avons tous une, et puis la vie rêvée, c'est celle qu'on voudrait échanger un jour, qu'on voudrait ne serait-ce que quelques jours pour voir comment d'autres qu'on estime, et parfois à tort, plus privilégiés, peuvent s'accommoder de l'existence. Et le tout sur un fond de Côte d'Azur. De mer et de tapis vert. Hein, que je connais bien, qui est ma terre promise, et que je retrouve 3 jours par semaine. Oui, alors il y a d'ailleurs une forme de morale. Donc Gaston est serveur au Petit Farci, il se rêve en Gontran dans les palaces avec du champagne et une rencontre avec une vieille comtesse. Il y a une forme de morale, vous dites, à la moitié du livre, si aujourd'hui il avait plus de confort et plus de moyens qu'hier, il avait aussi perdu en chemin la satisfaction du devoir accompli, qui beaucoup plus que le salaire lui tenait lieu jusqu'alors de récompense. Ça, c'est comme nous par rapport à RTL. C'est vraiment tout pareil. Le devoir accompli, c'est une notion qui m'est chère et qu'il faut développer chaque fois qu'un salarié dont on est responsable s'estime insuffisamment payé. Alors, il s'invente un personnage, ce Gaston, donc Gontran, et il devient Gontran, il part à Monaco, il rencontre une vieille comtesse et il forme ce que vous appelez un attelage. Oui, c'est un attelage parce que à un moment, quand ils se connaissent un peu mieux, il y a des séances de caresses jumelées avec la lecture des journaux. Philippe Bouvard, on vous a connu plus coquin quand même. Alors, c'est une perversité qui m'est arrivée. Vous savez, je crois que c'est Malraux qui disait l'inspiration, ce sont des idées venues d'ailleurs. Et on ne sait pas d'où d'ailleurs. Ah, c'est pas Patrick Poivre d'Arvor, on est sûr. Enfin, je préfère ne pas savoir d'où m'est venu. En tout cas, il n'y a pas de souvenir personnel. Cette petite perversité, ça ne va pas bien loin. Oh, un attelage, Philippe, c'est pas grand-chose. Où l'on voit une fausse comtesse, mais qui est une authentique emmerdeuse, demander à celui qu'elle vient de recruter comme son majordome de lui faire quelques privautés, mais ça ne va pas très loin. Pendant que elle lit à haute voix un quotidien régional et donc tandis que l'homme qui n'est pas un gigolo mais qui veut justifier le traitement de faveur dont il bénéficie s'entend dire vend vieille moto de particulier à particulier. Philippe Bouvard est avec nous, il publie Gaston et Gontran sur fond de Côte d'Azur, de mer et de tapis vert, c'est publié chez Flammarion. Et pour vous, Philippe Bouvard, on a choisi les Rolling Stones. Il est 17h18 à Loches, et à Paris sur France Inter. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h, Philippe. Les Rolling Stones sur France Inter, où nous sommes accompagnés aujourd'hui du taulier de la radio. Philippe Bouvard est avec nous. Et autour de la table, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni et Clara Dupont-Mono qui parlera du retour de Dominique Strauss-Kahn. Philippe Bouvard, le journalisme, la passion des journaux, mais aussi Gaston et Gontran que vous publiez chez Flammarion. Et on peut aussi vous retrouver chaque samedi et dimanche sur RTL de 11h30 à 12h30 dans Allô Bouvard. Les confrères qu'on salue, bien sûr. Juste, il faut quand même qu'on lui demande. Si on doit vous demander un conseil pour les dépasser la chaîne d'en face, c'est quoi? En tout cas, je voudrais vous dire quand même que je suis sensible à votre vision écuménique de notre profession et que j'ai exactement la même. Et moi, je vais au point où je considère que l'humanité se divise en deux catégories. Les journalistes et les autres. Alors, je suis heureux d'être chez les journalistes. Donc, on est invité à RTL samedi prochain pour votre émission et ça vous fait bien plaisir. Merci, Philippe Bouvard. Philippe Bouvard avec nous jusqu'à 18h. Et Philippe, à ce moment sur France Inter, c'est le moment de la petite revue de presse, hein, avant que les journaux ne finissent par emboîler le poisson. Nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. L'info au kilo. Et on commence par la Grèce. Hier, Athènes était noire de monde. Le peuple grec était descendu dans les rues pour soutenir son gouvernement. Oui, François Hollande a trouvé cette démarche très encourageante. L'idée que plus le pays est endetté, plus le gouvernement est soutenu, ça lui ouvre de très belles perspectives. Tant qu'on parle de Grèce, parlons vacances. Car selon un sondage, 37% des Français partiront en vacances au même endroit que l'an dernier. Et où était Nicolas Sarkozy le 1er juillet dernier? Il était en garde à vue. Il a donc 37% de chance. chance d'y retourner cette année. Passons au point Levallois. Oui, le conseil municipal de Levallois-Perret s'est achevé avant terme hier soir. Patrick Balkany, agacé par les questions sur l'affaire Teddy Riner, a quitté la salle en prenant soin d'éteindre les lumières. C'est bien, c'est écolo. En revanche, Patrick Balkany est parti en laissant toutes les caméras allumées. Oui, ce qui a permis d'éviter une catastrophe. Oui, puisque Patrick Balkany est parti en oubliant d'éteindre son cigare. Exactement. Voilà. Une enquête est en cours suite à un parcours sportif dans la boue qui s'est tenu ce week-end à Nice. Plusieurs participants ont été pris de violents vomissements après l'épreuve. Alors rappelons qu'à Nice, tout le monde n'est pas aussi professionnel que le maire Christian Estrosi pour remuer la boue. Oui, alors c'est pas gentil de dire du mal d'Estrosi, et je vais vous dire, moi j'ai pas besoin de vous pour ça. Ah bon ? Ah bah non, puisque des amis à lui s'en chargent. Slate a retrouvé d'anciens motards qui ont très bien connu le Christian d'Estrosi d'avant. Ah bon ? Vous auriez un petit extrait ? J'ai un petit extrait de Gérard Renouf, ancien vendeur de motos, qui a rencontré Christian quand il avait 14 ans. Et il dit, Christian, je ne l'ai jamais appelé par son prénom, c'était Minet. Oui, oui, mais pas vraiment pour les filles, même si c'est vrai qu'il n'y avait que ça qui l'intéressait. Il avait les cheveux longs, il était beau garçon et blondinet, alors c'est pour ça qu'on l'appelait Minet. Un autre a dit, plus jeune à l'école, ses camarades le surnommaient Estras, et peut-être vous, Nicole, vous savez ce que ça veut dire en termes provençal. Une Estras. Ça signifie un chiffon, une serpillière, et c'est rigolo parce que c'est le même surnom que Sarkozy lui a donné pendant ses années UMP. Et on termine par ce titre en une du Parisien aujourd'hui en France, la folle affaire du mouton OGM, mieux connu sous le nom de code l'affaire du mouton méduse. L'affaire du mouton méduse, Charline, je pense que ça c'est un cas trop sensible pour nous. Oui, vous avez raison, ça c'est un cas pour Fabrice Drouel. C'est une affaire sensible. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une affaire particulièrement sensible, une affaire extrêmement sensible, l'affaire du mouton méduse. C'est l'histoire d'une amitié, d'un travail, puis d'une vengeance qui vire au drame pour un innocent quadrupède. Ruby est un agneau, mais à l'automne dernier, il se voit injecter une protéine de méduse. Face à lui, deux chercheurs en proie à un conflit relationnel qui mènera au sort funeste de l'animal qui se retrouve contre son gré à l'abattoir. Et là, le pire se produit, il est abattu. Contre toute attente, la carcasse sera revendue à un particulier en Île-de-France. Terrible histoire, dont vous êtes peut-être le dernier maillon. Car oui, s'il y a quelque temps, en mâchant votre viande, vous vous êtes dit « Tiens, elle a un petit goût d'eau de mer, cette côte d'agneau. C'est que vous veniez sans doute de manger le mouton méduse. » Alors, quelles sont les conséquences ? Va-t-on commercialiser cet animal aux côtés de poulets oursins, de bœufs palourdes ou de porcs bigorneaux ? Vous le saurez dans Affaires sensibles. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Voilà, et jusqu'à la... dernière phrase, c'était vraiment l'info comme elle était ce matin dans Le Parisien. Si vous voulez des vraies affaires sensibles, Fabrice Drouel a sorti un livre aux éditions Robert Laffont, le meilleur de ce que vous entendez tous les jours à 15h sur France Inter. Et jusqu'à 18h, on met l'actualité dans la prise en compagnie de Philippe Bouvard. Premier sujet avec vous, Philippe. Un rapport préconise de barrer la route aux politiciens de plus de 70 ans, des genoux, hein, ce qui décime quand même un tiers du Sénat et une centaine de sièges à l'Assemblée. Imaginez qu'on les force à raccrocher. Messieurs, le monde est en pleine évolution et nous impose un rajeunissement de l'effectif. Il nous faut désormais des hommes d'acier. Et sans vouloir vous vexer, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Aussi, dans la perspective d'un repos bien mérité, vous êtes autorisés à faire valoir vos droits à la retraite. Certes, vous n'aurez plus le droit de porter l'uniforme, mais nul n'oubliera jamais le remarquable travail que vous avez fait ici. Et c'est pourquoi, outre vos 350 francs de pension mensuelle, il vous sera alloué, exceptionnellement, un sac de 50 kilos de charbon. C'est le gendarme. Le gendarme en balade, car Philippe Bouvard, ici nous avons des références culturelles de haut niveau. Alors c'est un rapport qui a été remis au ministre de la Jeunesse et des Sports. 70 ans, c'est encore jeune pour un politicien, c'est comme pour les journalistes et les animateurs. Oui, alors bon, si vous voulez, il y a deux façons de traiter le sujet. Une plaisante, vous l'avez déjà faite. Une un peu plus modérée de ma part, parce que pour moi, un septuagénaire, c'est un gamin, c'est un type qui arrive au monde et qui a encore tout son avenir devant lui. Ensuite, alors, façon plus sérieuse, c'est quand même ajouter une discrimination à beaucoup d'autres. Ça frise le racisme anti-vieux que, par ailleurs, on dénonce. Ça n'arrange pas le chômage des seniors, qui est également un problème de société angoissant. Et puis, je dois dire que la raison profonde ne m'apparaît pas tout à fait justifiée. Alors, vous la connaissez, c'est de permettre à des jeunes de prendre la place des vieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Mm-hmm. Bon, c'est ça. Ce que font d'ailleurs de nombreux chefs d'entreprise, parce qu'il est connu que le jeune a plus d'ardeur au boulot et qu'on le paye moins cher. Non, alors je suis pas entièrement d'accord. Et je prends un exemple personnel qui est un exemple de journalisme un peu chenu, en tout cas vieilli sous le harnais. Je suis à l'ancienneté chroniqueur, et chroniqueur un peu partout, dans un grand régional, mais aussi au Figaro Magazine et de façon hebdomadaire. Est-ce que si je prenais demain ma retraite à 85 ans et demi passés, un jeune prendrait la chronique? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on ferait monter en ligne quelqu'un qui a 70, 75 ans ou 80? Je ne le crois pas non plus. Parce que certains emplois sont distribués, au moins dans notre profession, et que parce que c'est vous voulez dire, c'est la chronique est faite parce que c'est vous. C'est pas ça. C'est parce que on donne le bâton de maréchal à des journalistes de mon âge pour leur éviter. Ils ne se font plus parler qu'eux-mêmes, mm-hmm. ce qui évite les déplacements et les mauvaises fréquentations. mais est-ce que quand on est dans l'action journalistique, qu'on a 50 ou 60 ans, on est préparé à ne donner que son avis et lui seul? Je crois pas. Mais là, c'est un problème de représentation. Ce sont des élus, c'est différent. C'est un problème de représentation nationale. Oui, c'est là qu'on a une assemblée et on a des parlementaires qui ne représentent pas. Mais moi, je représente mes lecteurs. Vous représentez vos auditeurs. Je suis pas sûr, moi, personnellement. En tout cas, j'ai pas été élu, c'est ça. Peut-être la question. Que le cumul des mandats est une solution qu'au bout de 5 mandats, Alors, c'est là. Ah, attendez, c'est le monstre du Loch Ness. Hein. Bon, attends, j'ai une autre question, parce que c'est quand même Olivier Mazerolle qui vous a viré des grosses têtes, accident industriel parce que les audiences ont chuté, et puis il revient à 72 ans et on lui donne un poste. C'est quand même, est-ce que vous trouvez pas ça aberrant, vous? Non, mais d'abord, notre monde est plein d'allées et venues. Hein. Vous allez revenir encore aux grosses têtes ou non? Non, c'est peut-être qu'il a dit un mot qui ne visait pas à me maintenir en l'an 2000, je vous le rappelle. Oui, oui, oui. Mais comme ensuite, il n'est pas le seul. Je suis revenu pendant 14 ans et que lui était déjà parti. Bon, c'est le chassé croisé. Oui, c'est oui, ça. Oui. Non, mais je lui souhaite de bien remplacer Jean-Michel Apathy, ce qui est une gageure. Hein. Qui n'est pas une mince affaire. Nicole Ferroni, vous venez du Sud, vous écrivez dans Nice Matin, Philippe Bouvard, c'est voilà. Ça hein oui. Voilà, tout à fait. Et Nicole Ferroni... Ah pardon, c'est moi. C'est la Provence, c'est la Provence, c'est un petit peu, voilà. En fait, excusez-moi, comme l'émission s'arrête effectivement ce vendredi et que je ne serai pas là, je voulais profiter de cette dernière chronique pour prévenir un petit peu les auditeurs et les chroniqueurs ici présents des conséquences physiologiques très graves auxquelles tout le monde risque d'être soumis dès la semaine prochaine du fait de l'interruption temporaire, certes, mais brutale de cette émission, puisque pour beaucoup, cette émission a pris le statut de drogue. Je rappelle que la drogue étant, selon le dictionnaire Larousse, une substance psychotrope qui conduit au désir de continuer à la consommer pour retrouver la sensation de bien-être qu'elle procure. Or, selon les chiffres fournis par le professeur en pharmacologie narcotique Lorenz Bloch, que certains connaissent sous le pseudonyme Laurence Bloch, hein, et qui cherche à se faire passer pour une directrice de France Inter, ce sont près de 700 000 personnes qui consomment quotidiennement cette émission et qui sont prises dans une spirale de dépendance, accoutumance, autonuisance, déchéance et beaucoup de rimes en anse, si bien que plusieurs scientifiques s'accordent à dire qu'il faudrait en fait ranger au plus vite aux côtés de la cocaïne, de l'héroïne et des amphétamines, les Vandenecker, Charline et autres dérivés dans la catégorie des drogues dures pour mieux contrôler cette addiction. Parce que les addictions, c'est comme les additions, un jour ça se paye. C'est-à-dire que les sujets qui dépendent d'une drogue, quelle que soit, finissent un jour par payer sans se rendre compte les conséquences très néfastes de cette consommation. Ne serait-ce par exemple, on l'a vu de nombreuses fois dans cette émission, où des gens se sont retrouvés finalement finalement à rester stoïques dans leur voiture pour écouter la fin de du moment Meurice, alors même que c'est que leur voiture brûlait du fait d'un problème moteur et qu'ils se retrouvaient eux-mêmes à brûler d'impatience au sens propre comme au sens figuré pour connaître la réaction du député interrogé. Donc face à ce manque de recul total de l'usager vis-à-vis de la drogue, il est bien sûr indispensable d'accompagner celui-ci dans sa démarche de sevrage, qui se fera en fait en trois étapes. Un, détecter, deux, informer, et trois, agir. Alors, pour détecter les auditeurs dépendants de notre émission, c'est très difficile, puisque dans la mesure où cette émission ne se fume pas, excepté bien sûr par André Manoukian, elle n'émet pas d'odeur suspecte et donc ne donne pas les yeux rouges. Du coup, le seul moyen de détecter les auditeurs dépendants, ce sera ben, finalement les tics de langage un petit peu suspects, comme cette prononciation de tweeter un petit peu à la belge, ou le fait que quand vous dites, voilà, vous dites bonjour à une personne, elle répond bonjour la France Inter, et là vous saurez voilà, qu'il en est. Donc si vous tenez un auditeur dépendant, il faudra ensuite l'informer pour lui expliquer comment agissent les drogues. Alors il faut savoir en fait que les drogues, leurs effets reposent sur la capacité à influencer en fait des circuits nerveux qui existent déjà dans le cerveau, c'est-à-dire en d'autres termes, la drogue ne crée pas de plaisir, mais elle pousse le cerveau à croire qu'il en a, un petit peu comme quand Alex Vizorek persuade Clara Dubon-Mono qu'elle éprouve de l'amour pour lui. En fait, en temps normal, le cerveau reçoit des signaux dans une situation plaisante, hein, un bon repas, un bon moment, un bon amant. Cela produit des signaux nerveux qui relient cette sensation, en fait, à ces événements, à une sensation de bien-être. Alors concrètement, ça se traduit par le fait que des neurones de l'aire tegmentale ventrale que tout le monde connaît bien vont libérer des molécules de dopamine. Cette dopamine va stimuler d'autres neurones présents dans le noyau accumbens et générer une sensation de plaisir. Hein, c'est-à-dire que c'est la dopamine qui génère le bien-être. Et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage qu'on dise de la dopamine que c'est un neurotransmetteur, tout ça parce que ça dit, oui voilà, ça fait la transmission entre deux neurones. Non, pour moi on ne devrait pas dire que c'est un neurotransmetteur, mais un heureux transmetteur, puisque dès lors que la dopamine est émise, les gens deviennent heureux, d'accord. Et donc c'est sur ce circuit-là de la dopamine que les drogues vont agir chacune à leur façon. Alors l'héroïne va provoquer la libération de dopamine et engendrer des plaisirs un petit peu foufou artificiels, tandis que la cocaïne n'augmente pas la libération, mais va prolonger l'effet de celle qui est déjà émise, ce qui fait que la personne se sent elle-même mais en mieux, un peu comme dans une publicité. Et en fait, à force de d'être baigné comme ça dans un molécule, dans des molécules, voyez, du bonheur, et ben les neurones du noyau accumbens qui dansent tous les soirs, ils s'habituent et du coup, il leur faut des doses de plus en plus fortes pour atteindre le même niveau de bonheur. En fait, le curseur est déplacé, si bien que à l'arrêt de l'usage de stupéfiants comme la drogue ou comme le niveau d'humour d'Alex Vizorek, et ben la personne devient moins heureuse que pas heureuse, elle devient malheureuse, d'où le fait que l'arrêt brutal, le sevrage peut être très douloureux. Donc si dès la semaine prochaine vous voyez des gens qui d'un coup sont pris de sueur et qui sniffent des frites belges ou se frottent à des livres de littérature médiévale, offrez-leur leur meilleure blague, parce que ce sont des gens qui sont en manque de cette émission. Comme quoi, dans cette émission, s'il y a bien une chose qu'elle n'annule pas, c'est le manque qu'elle provoque quand elle s'en va. Merci Véronique, bien sûr. Oui, et pour ceux qui seraient déjà en manque de vous alors que cette chronique s'achève, on pourra vous retrouver demain matin, bien sûr, à 8h55 sur cette antenne. Vous serez face à Olivier Py. Et oui. Pas de jeu de mots. Vous les gardez pour demain. De chiffres, il y aura. Et en attendant, nous sommes en compagnie de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Philippe Bouvard qui publie Gaston et Gontran chez Flammarion. Et là, on écoute Simone et Raoul. C'est les enfants des Rita Mitsouko. Leur groupe s'appelle Minuit et ils chantent Flash. Flash musique. Électrique. êtes bien sur France Inter, qui aujourd'hui est un petit peu RTL Inter, avec Philippe Bouvard pour invité. Philippe Bouvard, tout se passe bien ? Vous retrouvez tous vos réflexes ? Bah, j'adore là, cette série de concertos pour dur de la feuille. Me ravit. Le groupe Minuit, les enfants de Catherine Ringer, de Fred Chichin. C'est Simone Ringer et Raoul Chichin à la guitare. Et ça s'appelle Flash. Donc vous êtes sur France Inter. Philippe Bouvard, vous publiez Gaston et Gontran chez Flammarion. Gaston, qui est un serveur sur la Côte d'Azur et qui se prend pour un élégant et qu'il devient publié chez Flammarion. Comme quoi, il suffit, mais il faut que quand même un romancier vous aide, il suffit de changer de prénom pour changer de vie. Eh oui. Et alors, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice, qui était un petit peu Gaston, un humoriste, un saltimbanque, qui écumait les selles, et il devient Gontran, un élégant journaliste enquêteur avec une veste multipoche. Écoutez le résultat, Philippe Bouvard. Ah, élégant, je ne savais pas. Merci Charline. En tout cas, mes amis, c'est l'été, il y a des signes qui ne trompent pas. Dans la rue, les pantacours sont réapparus. Quelle saloperie, ces pantacours. Faut arrêter avec ça, hein. D'autant que c'est impossible d'être crédible en pantacours. N'allez pas demander un prêt à votre banque en pantacours, hein. C'est comme si vous avez la tête de Bernard Tapie ou un bout de salade coincé entre les dents. C'est foutu d'avance. Et puisqu'on parle de salade, parlons aussi de barbecue, symbole de l'été également. Car le barbecue, c'est la passion d'un certain Vincent Tiberghien, n'est-ce pas, Vincent? Oui, je suis plutôt passionné par le barbecue et je cuisine quotidiennement au barbecue, au boulot et à la maison. Quotidiennement, toute l'année ? Toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, donc là, on a affaire clairement à un fondamentaliste du barbecue. Au boulot, il a dit ? À part du 1er janvier au 31 décembre, il ne mange que barbecue. Et au boulot aussi. Et au boulot, partout. La dernière fois, à Radio France, on a fait un incendie avec ça. Faudrait pas qu'il vienne. Peut-être c'était lui, on ne sait pas qui était invité. Donc c'est un mec qui a une approche très stricte de son livre saint, le mode d'emploi de son barbecue. Tout ça ne serait pas si grave s'il n'avait pas monté une école, la Grill Academy, une école donc de barbecue. Quels sont les tarifs ? Une formule apprenti avec entrée plat à 59€ et Ah oui, c'est pas Jules Ferry quand même, c'est pas l'école gratuite. C'est abordable, on passe un bon moment, on reste 3 heures. Et on y mange bien. Ouais, bon, j'espère qu'on y mange mieux que dans les cantines des écoles de France. Attention tout de même si vous cuisinez du mouton, hein, en ce moment il y a certainement de la méduse dedans. Attention si vous mangez de l'électeur de Christian Estrosi, hein, parce qu'il y a certainement du blaireau dedans. Tiens, puisqu'on parle Jules Ferry, cantine et mouton, j'avais une autre question. Est-ce que c'est une école laïque ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi bien de la côtelette d'agneau que de la côtelette de porc ? Ah, et nous, on fait tout. Les ribs de porc, on fait tout. C'est vraiment, on est là pour tout cuisiner. Est-ce que le port du voile est accepté dans cette école ? Ben pourquoi pas ? Ah voilà, l'école du barbecue accepte le voile. Voilà de quoi réouvrir le débat et enflammer les foules. Enfin en tout cas, enflammer l'élève voilée, hein, si elle s'approche trop près des braises. Et c'est pas le seul débat qui existe autour de l'école en ce moment, d'où mon autre question. Quel regard vous portez en tant qu'école sur Najat Vallaud-Belkacem ? Alors, bah écoutez, je suis pas sûr qu'on rentre dans son cahier des charges. Est-ce que, par exemple, la réforme du latin vous a touché, vous, personnellement, dans votre école ? Non, pas vraiment, parce qu'on fait tout en français et tout en s'amusant. Bon, pas de grève, donc, à prévoir au niveau de l'école du barbecue, où la réforme du latin passe très facilement. C'est vrai que c'est assez peu utilisé, le latin, dans le barbecue, sauf peut-être dans la locution « Hey, Jackie, vas-y, remets des brochettes, du poulet, de la côtelette, etc. » etc. Vous voyez, au niveau latin, on est quand même un tout petit peu léger. Mais on peut toujours améliorer une école, fût-elle de barbecue, et j'ai voulu apporter ma braise au moulin. Est-ce que vous avez des options, par exemple, pétanque, pastis ou des choses comme ça ? Non, mais on y a pensé pendant un moment, et pourquoi pas un jour ouvrir une grille d'académie peut-être un peu moins urbaine que la nôtre et avoir des activités parallèles de détente. Parce qu'il faudrait un prof de pastis et un prof de pétanque. Oui, voilà, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un prof pour le pastis. Oui, ça c'est vrai, un simple stage dans un commissariat devrait suffire pour se former. D'ailleurs, ça pourrait servir pour la surveillance des épreuves. C'était l'objet de ma prochaine question. Est-ce que, par exemple, il y a des élèves qui copient sur leurs voisins ? Ah bah ils se regardent tous, oui, évidemment. Parce que comment tu coupes ça ? Comment tu fais ça ? Donc ça veut dire qu'il y en a qui copient le temps de cuisson d'une chipolata, par exemple. Ouais. Alors nous, on a un grand respect pour la chipolata et la merguez, mais il n'y en a pas à la Grill Academy. Ah, c'est vrai ? On fait vraiment... justement, on est là pour casser les codes. C'est montrer comment on fait une bonne marinade, une belle cuisson. Mais la chipo et la merguez n'ont pas leur place ici, malheureusement. Bah voilà, alors là, quand même, je suis désolé, mais il y a un problème au niveau des programmes, quoi. Grosse lacune en chipo et en merguez. Alors pourquoi j'ai l'explication ? Simplement parce que l'école de barbecue a aussi vocation à former aux championnats de France de barbecue qui se tiendront ce week-end au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ah, et voilà. Oui, il y a des championnats de France de barbecue. Alors les championnats de France, pour nous, ça a quelque chose de rassurant, hein, parce qu'au moins, on est sûr que c'est un Français qui va gagner. D'ailleurs, quel lot va remporter le championnat champion de France de barbecue. Déjà, pour commencer, un barbecue. A priori, il en a déjà, hein, s'il est champion de France de barbecue. Ah ben, il en a même plusieurs, parce que la première année, il y a une équipe qui a gagné 3 épreuves sur 5. Donc, ils ont eu 3 barbecues. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en font de tous ces barbecues? Ah ben, je ne sais pas. Peut-être qu'ils les collectionnent comme des trophées accrochés au mur dans leur maison. Je ne sais pas. D'accord. Donc, si vous allez chez quelqu'un qui a des barbecues au mur, soit c'est un collectionneur d'art contemporain. Hein, en ce cas, vous êtes chez Bernard Arnault, par exemple. Soit vous êtes chez un multiple champion de France de barbecue. Et alors là, vous êtes chez ce qui se fait de mieux en termes d'excellence française. Hein, parce que quand l'école de la République ne joue plus son rôle, tous les espoirs se tournent vers l'école du barbecue. Surtout pour les jeunes de banlieue, dont certains confondent régulièrement un barbecue avec la voiture de leur voisin et dont la chanson préférée pourrait être l'hymne de la Grille Academy. Merci Guillaume Meurice qui mettra le feu à la nouvelle scène ce soir à 21h30 pour votre spectacle Que demande le peuple, et vous serez tiens jeudi soir à la salle Gaveau avec Alex Vizorek. Mais oui, il a été voir la salle. C'est oui, bon. J'ai été voir la salle, c'est hyper beau, c'est du coup. Beau. Ouais. Ouais, c'est grand, donc venez, hein, ne rendez pas cette salle. Jamais la remplir, là. On est ensemble jusqu'à 18h sous les pavés, l'actualité avec Philippe Bouvard en notre compagnie, le sujet 2. Et maintenant, il tweete. DSK a posé 3 mots sibyllins, Jack is back, sur Twitter, et c'est la panique dans le milieu politique où certains craignent qu'il règle ses comptes, à travers le petit oiseau qui sort. Dans les rangs du PS, certains trouvent le tweet de DSK limite menaçant. C'est vrai que DSK peut être menaçant, écoutez. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir? Tu te crois encore dans ta cellule ou quoi? Tenue de soirée, évidemment, de Bertrand Blier. DSK a été obligé de se taire pendant 4 ans. Et puis, 3 mots sur Twitter, mais dans la presse, des demi-pages d'articles, jusqu'à une demi-page dans le journal espagnol La Vanguardia. Philippe Bouvard, ça nous dépasse. Ça. Oui, Twitter, Internet et tout ça, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, sur n'importe qui d'ailleurs. Alors là, il a dit « Jack is back », ce sont les 3 mots. Alors de... oui, alors soi-disant, le Jack, c'est l'enseigne de son restaurant préféré. Il y a plusieurs interprétations. À Marrakech. Oui, non, mais j'en crois pas un mot. Cela dit, moi j'ai non pas de l'amitié pour lui, non pas de l'admiration, encore que certaines de ses performances, enfin bon... Mais, je veux dire, j'ai applaudi quand il est passé du Parti Socialiste au Parti Fine. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec les secondes qu'avec le premier. Il y a de la sodomie dans les deux, hein, de toute façon. Lorsqu'on a annoncé ici une loi liberticide, bon, je me suis dit, il est normal qu'ils reprennent la parole et qu'ils disent qu'on peut penser, par exemple, de la pénalisation des clients, des dames qui exercent le plus fier métier du monde. Sauf que je me suis souvenu que lui, il payait pas. Et que ses parents lui avaient caché, dans son enfance, que la prostitution existait. Ce qui explique, bon, certaines confusions, certains ennuis. Certaines naïvetés. Alors, il est aujourd'hui innocenté. C'est l'avocat de DSK. Mais je veux le garder, mon DSK. J'en ai besoin. Je lui ai consacré, sans aucun remerciement de sa part, des dizaines d'interventions, d'articles, et je ne veux pas le perdre maintenant. Oui, il est peut-être en passe, il est peut-être même en passe de revenir, Philippe Bouvard. Si tu écoutes les grosses têtes, j'annule tout, c'est le moment, vous l'avez entendu tousser, donc ça veut dire que ça commence sa chronique. C'est moi. C'est Clara Dupont-Monod qui nous parle littérature, Philippe Bouvard, tous les jours. Oui, alors plutôt tweet aujourd'hui, puisque l'actualité, Charline, vous l'avez dit, c'est donc ce mystérieux tweet de Dominique Strauss-Kahn qui enflamme la toile, le fameux Jack is back. Et puis évidemment, tout le monde s'interroge, vous l'avez dit, qui est ce Jack? Les internautes et les journalistes sont au taquet. Alors les hypothèses se multiplient, effectivement. On a une référence au Jack du film Le Titanic, qui hurle « Je suis le roi du monde » à la proue du navire. On a Jack Bauer, qui serait le héros donc increvable de la série 24 heures chrono. On a aussi... Qu'on a cru mort plusieurs fois et qui revient voilà, à chaque fois. Et à chaque fois, il ressuscite. Et on a aussi un personnage qui s'appelle Jack Abbott, dans la série Les Feux de l'amour, qui est un sénateur couvert de femmes. Effectivement, et d'ailleurs la chaîne CBS a annoncé un épisode qui s'appelle Jack is back pour cet été, d'où effectivement la référence éventuelle à Jack Abbott. Le tweet peut aussi être un clin d'œil, vous l'avez dit, au restaurant Cozy de Marrakech qui s'appelle Jack is back. Bref, Jack is back enflamme les imaginaires. Jack l'éventreur, hein. Il y a Jack l'éventreur. Parce qu'on parle de prostituée. Voilà. Il y a aussi Jack dans Shining. Enfin, il y en a plein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il y a Jack Lang. C'est que, au mois de mai, l'organisme Eddie Livre, il a enquêté sur les prénoms. Pas Jack Toubon. Jack Toubon, j'adorerais. Il a travaillé. Voilà. Si je peux terminer juste ma phrase, hein, parce que alors là, je sens qu'avec l'état d'esprit de si tu écoutes j'annule tout, si c'est parti dans un tunnel de Jack. Mais sachez que, au mois de mai, la société d'édition Eddie Livre a enquêté sur les prénoms des méchants en littérature. Et ils ont dépioté 17 000 livres. Et conclusion, le prénom numéro 1 du méchant dans les romans policiers, c'est qui ? Eh bien, c'est Jack, comme par hasard. En deuxième vient Oscar. Et ensuite, Nicolas. Jack fait donc partie des salauds. Je vous assure, c'est d'après l'enquête Eddie Livre. Jack ferait donc partie des salauds, des tueurs planqués, d'autant que l'étude d'Eddie Livre constate que le plus souvent, le tueur est le petit ami de la victime dans la littérature policière. Vient en deux un membre de la famille et en trois un collègue de bureau. Donc Alex, vous seriez gentil de vous éloigner un tout petit peu de moi. Et puisqu'on parle de vous, Alex, les trois lieux préférés des auteurs pour camper une scène érotique en littérature sont 1. Le bureau, 2. Le domicile, 3. La rue et en 4. Les studios de France Inter. Mais ça vient après. Donc, notons que les trois phrases qui reviennent lors d'une scène de coït littéraire sont 1. Prends-moi, 2. Je suis tout à toi, 3. Fais-moi mal. Ce qui nous amène à cette conclusion, au secours. Donc pour revenir au tweet de DSK, c'est très dommage parce que personne n'a pensé au livre Jack de Alphonse Daudet, publié en 1876, ce qui est un peu chagrinant. C'est un livre un peu sombre, je le reconnais, puisque ça raconte le sort cruel d'un enfant de 7 ans au pensionnat. Mais Jack is back, en référence à Daudet, il aurait pu y avoir un petit parfum de revanche, l'être malmené, conspué, qui a mûri et qui revient se venger. Personne non plus n'a pensé au correcteur automatique du smartphone de DSK. Vous savez, quand on écrit « bise » sur un texto que ça vous met « buse », ça nous est tous arrivé. Bon, et bien si ça se trouve, DSK a voulu écrire « j'ai », ça a fait « Jack ». Il voulait peut-être annoncer une récente acquisition immobilière en Sibérie. Et donc « j'ai une isba », s'est transformé en « Jack is back ». Non, mais c'est possible aussi. Non, c'est possible. Est-ce que c'est pas écrit de façon calligraphiée? Mais c'était bien tenté de votre part. Mais c'est vrai, ça peut être. De la même façon, il voulait peut-être écrire le prénom Jacques à la française. Pourquoi pas? Il faisait peut-être référence à l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. C'est celui qui met en garde contre l'absence de sagesse. C'est celui qui dénonce les riches. Alors, c'est vrai que l'épître de Jacques, ça sonne un peu bizarre. Notez qu'en même temps, si on anglicise tous les prénoms des apôtres de Jésus, ça fait groupe de rock. Ça fait Simon, ça fait James, ça fait Peter, tout ça autour de Jesus. Dernière hypothèse, toujours liée au correcteur automatique, c'est que DSK a peut-être voulu écrire Jean-Jacques is back. Il parlait dans peut-être de Jean-Jacques Goldman. Eh bien si, peut-être que si, DSK annonçant le retour de JJG, c'était possible. C'est un rêve possible. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Ah oui, tout ça pour nous mettre du Jean-Jacques Goldman. Voilà. C'est un peu le prétexte. Clara Dupont-Mono, merci. Du Jean-Jacques Goldman qui a été envoyé avec leur complicité à la technique de Kevin Pelot et de Bruno Poncelet. On ne vous remercie pas. Avec à la réalisation Benjamin Riquet, une émission préparée par Claire-Sophie Collet et Nathalie Romero. Et avec vous, Philippe Bouvard, on va aborder le troisième sujet de cette émission. Le dernier album de Neil Young s'appelle The Monsanto Years. Le Canadien de 69 ans est un frondeur, hein, frondeur de la musique. Et on peut dire qu'en France, il y en a énormément aussi. Une chanson, si tu veux, pour moi, c'est prendre parti pour une cause, tu vois, puis y aller à fond, prendre des risques, tu vois. Sinon, c'est pas la peine de faire une chanson pour du vent. Casser les couilles, c'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie. Vous, les politiciens, vous êtes vraiment très méchants. C'est-à-dire, je veux dire, il y a des soirs, je me couche, en général vers 6h du matin, tu vois, et je pense au tiers-monde, tout ça. J'arrive pas à m'endormir pendant un quart d'heure, tu vois. Même si j'y risque ma vie, Philippe Bouvard, vous les avez reconnus et je pense qu'ils ont démarré chez vous. Benjamin Biolay, vous les avez lancés. Non, jamais. Vous avez reconnu les inconnus. Non, oui, bien sûr. Non, mais je n'ai pas de rapport étroit avec la chanson. Parce que, bon, généralement, elle dure trop peu de temps pour que je m'arrête de travailler. Mais quand je faisais de l'animation radiophonique, j'adorais les chansons de Barbara, celles de 6 minutes qui me permettaient d'aller téléphoner et de faire mon courrier. Ah bon, pendant l'antenne, purement vous faisiez pratique. Ça Pendant l'antenne, vous alliez téléphoner. Ah oui, pendant oui, la chanson. Il y avait une chanson de 6 minutes et c'était la préférée. Nous, bon, on a, ça s'appelle Les Chroniques de Manoukian. Lui, je le connais. Alors, Neil Young, il a 69 ans et on n'a surtout pas envie qu'il s'arrête, hein, qu'il y ait une loi qui dise qu'à 70 ans, il faut arrêter la musique, parce que les jeunes ne reprennent pas le flambeau de la contestation. Je rappelle le titre de son dernier album, c'est The Monsanto Years. Aucun jeune n'ose a priori s'attaquer aux marques parce que la pub, ça rapporte beaucoup, tandis que Neil Young s'en prend à Starbucks dans son dernier album, au pétrolier Chevron et il y a la grande distribution comme Walmart, tout ce qui plaît à Guillaume Meurice. Ah oui. Est-ce qu'on ne manque pas de chanteurs contestataires en France ? Il y a le retour de Renaud, là, qui est une bonne nouvelle, enfin pour Renaud. Et... hop, une petite saloperie en passant. Hop là, c'est cadeau. Allez, hop, pour la chanson juste. Alors, c'est vrai, vous citez Renaud, donc en une du Parisien ce week-end, il disait « j'arrive oui. ». Alors il y avait une tribune un peu incendiaire dans Libération qui est parue hier, qui disait « bon, une confidence arrachée lors de l'apéro à l'Île-sur-la-Sorgue par un journaliste qui a pris l'apéro avec Renaud », et qui disait que finalement, en France, ces chanteurs contestataires, il n'y en avait plus vraiment et que on était plus dans une figure de martyr. Est-ce que Renaud, c'est une forme de martyr de l'action Pernod Ricard ? Non, mais il ne faut pas se demander si un chanteur est martyr ou pas. Il faut se demander s'il a intérêt à être présenté comme un martyr. Et la réponse, elle est affirmative, bien sûr. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, il sera écouté par tous ceux qui ont également beaucoup souffert et ça fera du monde. Vous qui avez été la figure de l'insolence il y a une trentaine d'années, on va dire, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est un peu différent ? Est-ce que, parce qu'on vous a parlé de chanteurs contestataires, vous avez tout de suite cité Renaud, ce qui ne nous ramène pas tout de suite à la jeune génération. Non, mais enfin bon... J'en connais quelques-uns et j'ai pu interviewer Renaud plusieurs fois, à différentes époques d'ailleurs de son mal-être, parce que c'est quand même sérieux le mal-être d'un chanteur. Mm-hmm. Parce que le mal-être de la plupart des gens qu'on connaît pas, il fait pas de bruit. Le mal-être d'un chanteur, il vous poursuit et parfois il provoque votre propre mal-être. Les gens se reconnaissent. Non, je veux appeler l'attention des gens là-dessus, moi. Philippe Bouvard est avec nous jusqu'à 18h. Si tu écoutes les grosses têtes, j'annule tout. Mais il est avec nous. Alex Vizorek, c'est le moment encore où on informe les gens. On trouve des solutions pour la France, Philippe Bouvard, dans cette émission. Vous l'aurez compris, en votre compagnie, grâce à notre attelage improbable. Attention, c'est la deuxième revue de presse. Ihre Rolle. Qu'est-ce qu'il dit ? Is es nun. Rumpir. Dem Europäischen. Ja, ja. News au kilo. Traum. Ah ben tu vois, je suis déjà à vous. C'est moi, vous osez vous foutez. Oui, Paris posé aujourd'hui. Oui, ça se oui dit. C'est à moi. Donc, oui. Ça, c'est... Moi, j'écoutais. Il est bien ce jingle. Paris posé aujourd'hui sa candidature aux Jeux Olympiques. Et là, il parle en JO. Figurez-vous que le bowling pourrait devenir une discipline olympique lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Ah, les Français sont bien classés en bowling. Hein. Il y a des espoirs de médailles, non ? Non, étonnamment, il n'y a pas de champion de bowling en France. Non, ce qui est triste. Étonnant, alors que le pays compte énormément de quilles, mais personne pour les faire tomber. Non, ouais. Et on passe à une information qui est tombée dans l'après-midi, une information sur Agnès Salle, l'ancienne patronne de l'INA. Ah, une star de cette revue de presse. Une star des revues de presse. Oui, une info qui sortira dans l'Express demain. Agnès Salle aurait laissé 400 000 euros de notes de taxi au centre Pompidou. Oui, donc l'INA présente immédiatement ses excuses à Agnès Salle pour l'avoir salie avec ses pauvres 40 000 euros de taxi quand elle les dirigeait. Il ne s'était en fait pas rendu compte qu'elle essayait vraiment de faire des efforts d'économie. Voilà, et on termine par une info people. Allez. Oui, Britney Spears, est à nouveau célibataire. Britney Spears est à nouveau célibataire. Enfin, Alex, il n'y a pas de vanne. Ah bah non, il n'y a pas de vanne, mais ça me fait vachement plaisir comme info. Voilà, donc pas de vanne, Philippe Bouvard, parce que quand il n'y a pas besoin et que ça fait plaisir à Vizorek, oui, c'est pas nécessaire. Il est consterné, hein, Philippe Bouvard, consterné. J'aurais pris un rouge, je serais jamais rentré au petit théâtre avec ça. Ah mais oui, Philippe Bouvard, c'est pas possible. Ça... Philippe Bouvard était avec nous, merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci de m'avoir admis parmi vous, je me suis bien amusé. Ah, ça c'est déjà nous pas aussi, mal, c'était, ouais. c'était improbable cet attelage, mais tout à fait charmant. Écoutez, merci Philippe Bouvard, je rappelle votre ouvrage... Gaston et Gontran, c'est publié chez Flammarion, sur fond de Côte d'Azur que vous affectionnez, puisque vous écrivez toujours vos chroniques dans Nice Matin, bien sûr. Et puis je rappelle aussi Allo Bouvard, chaque samedi et dimanche, chez nos confrères de RTL, de 11h30 à 12h30. Comme vous avez dit concurrent. Non, j'ai dit confrère de RTL. J'ai ces salauds d'RTL. Voilà. Philippe Bouvard, merci Nicole Ferroni, merci Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice, Alex Vizorek, on vous retrouve demain. Et comme chaque jour dans cette émission, nous laissons le mot de la fin. Cette fois, nous le laissons à Nicolas Demorand, que vous allez retrouver dans une minute. Écoutez. Je vais dire, il y a des soirs, je me couche, en général vers 6h du matin, tu vois, et je pense au tiers-monde, tout ça. J'arrive pas à m'endormir pendant un quart d'heure, tu vois.